Fermé. Parti. Il m'a oublié. Ça ne fait rien, je peux m'asseoir là. Léonide Andréitch de Paris n'a pas mis sa pelisse. Il est parti en manteau. Et dès qu'on a le dos tourné, la jeunesse, la vie, elle a passé. On n'a comme pas vécu. Je vais te coucher un peu. T'as plus de force, mon pauvre vieux. Hein? Il te reste rien. Rien de rien. Oh, rien, va. Faire sans butor. Il n'a pas su faire sans butor, dites-vous, Françoise Morvan. Merci beaucoup, André Markovitch et Françoise Morvan, d'être revenu nous parler de Tchekhov aujourd'hui. La vie, elle a passé, elle a comme pas vécu, à méditer, mais sans trop de mélancolie. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. En 1999 paraissait un ouvrage collectif sous le titre « La fabrique des héros ». L'idée était d'une part de se demander si les sociétés modernes avaient besoin de héros, comme les sociétés antiques, et de dégager d'autre part les caractéristiques de ces nouveaux héros possibles. Valeurs guerrières ou pacifiques, goût du sacrifice ou amour de soi, irrationalité ou grande maîtrise de sa force, à quoi et à qui pourraient ressembler nos héros contemporains était l'enjeu de cet ouvrage. 20 ans plus tard, la question semble toujours d'actualité puisque les éditions Les Impressions Nouvelles lancent une nouvelle collection sous le même titre La Fabrique des Héros. Et les deux premiers livres viennent de paraître, chacun s'attaquant ou s'attachant à un héros, et le premier porte sur, eh bien vous allez deviner. Ils ont enlevé Elisabeth. Bienvenue à bord du Black Pearl. Il faut la sauver. Par quoi proposez-vous qu'on commence? Ce Jack Sparrow, il nous a parlé du Black Pearl. Faites-lui une offre, il peut nous y conduire. Vous oubliez votre place. Vous n'êtes qu'un forgeron. Tirez-moi de cette cellule et sans nul doute, je vous conduirai au Black Pearl et à votre jolie demoiselle. Tu es un pirate. Tu oublies un truc primordial, camarade. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Je suis pas sûr que je la mérite. Vous avez reconnu Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes. Alors il faut le dire, c'est un héros récent, tout jeune, puisqu'il n'a que 16 ans d'existence. Créé par les scénaristes hollywoodiens Ted Elliott et Terry Rosso, tous deux spécialistes du cinéma d'aventure et d'animation, et d'après une attraction du parc Disneyland, interprétée par Johnny Depp, Jack Sparrow fait le succès de cette franchise de blockbuster, connue donc en France sous le nom de Pirates des Caraïbes. Jeune, né dans un contexte ultra-capitaliste, mais aussi gaffeur, alcoolique, menteur, on est loin a priori des surhommes antiques, incarnation de caractère pas forcément recommandable, mais en tout cas de passion cruciale. Que peut donc avoir d'héroïque ce Jack Sparrow? Que peut d'ailleurs avoir d'héroïque un pizza amoureux du rhum et des magouilles? Eh bien, pour Laurent Sutter, à qui l'on doit de revenir sur la fabrique de ce héros, Jack Sparrow, c'est l'art de la parole. C'est le chantre d'une linguistique pirate, meilleure qu'une arme, plus subtile que la puissance physique, plus drôle qu'un coup de poing sans second degré, plus séduisant que de simples muscles. En cela, dans sa manière et ses manières, ce héros fait presque figure d'anti-héros, de contre-héros. Il hisse un style mal vu, mal famé à une hauteur, à une grandeur à laquelle il ne prétend même pas. Comment comprendre alors ce nouveau héros qui n'en a pas les traits? Aurait-on changé de paradigme ou aurait-on jusqu'ici fermé les yeux sur les vrais héros, ceux qui nous sauvent, non par leur splendeur, mais par leur irrésistible pouvoir? Le deuxième livre paru dans cette collection, La Fabrique des Héros, porte pour sa part sur Nosferatu, du nom qu'a donné le réalisateur allemand Murnau à Dracula lorsqu'il en a fait une des premières adaptations cinématographiques en 1922. Héros de fiction, Nosferatu est-il pour autant un héros tel qu'on l'entend classiquement ? Invisible, prêt à sacrifier le sang des autres et à mastiquer leur corps jusqu'à la mort, en quoi Nosferatu serait-il héroïque ? Dans son livre, Olivier Smolder le dit, c'est bien un anti-héros. Mais ce qui lui vaut d'être un héros tout court, c'est sûrement les multiples récits dont il a fait l'objet. Cinéma, littérature, musique, Nosferatu ne serait-il pas devenu un héros par la fascination qu'il suscite, par le succès qu'il a rencontré, de la même manière d'ailleurs que Jack Sparrow a pu séduire les foules. C'est ici que cette collection semble renouveler l'approche de cette fabrique des héros. Car elle ne demande pas que sont ou qui sont les héros en tant que tels, par eux-mêmes, absolument, mais qui sont-ils et que représentent-ils pour nous? Qu'il s'agisse de linguistique pour Jack Sparrow ou d'adaptation à répétition pour Nosferatu, ce qui a été fabriqué de héros à travers eux, c'est fait par le public, par le regard posé sur eux, par la relation qui s'est nouée entre eux et les spectateurs ou lecteurs. Comment se fabriquent donc les héros? Eh bien tout simplement grâce à nous, parce qu'on y croit, parce qu'on y adhère, parce qu'ils nous inspirent, mais certainement pas parce qu'ils en sont. Et pour le découvrir, vous pouvez lire Jack Sparrow, Manifeste pour une linguistique pirate, c'est de Laurent Sutter, et Nosferatu contre Dracula, c'est de Olivier Smolder, et ces deux livres sont donc disponibles aux Impressions Nouvelles dans cette collection La Fabrique des Héros. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mostin-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Élise Leu qui était à la prise de son ce matin. Merci aussi à Florence Thomas du Théâtre de la Colline qui nous a aidé pour préparer cette émission. Merci aussi à Jacques Hubert qui nous a aidé à sa façon à préparer cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Edgar Morin qui se présente non pas comme philosophe mais comme para-philosophe. Il vous en dira plus demain à 10h donc. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, où l'équipe des Chemins de la Philosophie sera ravie de discuter avec vous. On se retrouve demain à 10h précise. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.